c'est jamais le même endroit, mais c'est toujours pareil. On y frappe les vieux, les vieilles et les pédés. On y vient à 40 et c'est là qu'on réveille les instincts les plus bas pour mieux se défouler. Il vient d'avoir 16 ans et la moto facile pour être plus peinard et rentrer moins souvent. Quand le père est bourré, la mère elle s'en refile du plaisir d'HLM avec le parrain Jean. C'est la télé qui hurle aux infos de 8 heures. La fille qui rentre pas soi-disant au ciné. C'est le clébard osseux sans vie et sans couleur que le mari pour boire emmènera pisser. C'est jamais le même endroit mais c'est toujours pareil. On y frappe les vieux, les vieilles et les pédés. On y vient à 40 et c'est là qu'on réveille les instincts les plus bas pour mieux se les fouler. C'est le bistrot du coin où les clients s'engueulent, ivre de paradis et le pernaut tassé. À la dernière table, un petit vieux tout seul pleure, pleure, pleure, pleure devant ce verre qu'il ne peut plus payer. C'est la pelouse en béton et les odeurs de chiottes. Et puis c'est mon caddie au centre commercial. C'est la caissière fardée qui propose la botte avec sa bouche en fleurs démunie de pétales. C'est jamais le même endroit mais c'est toujours pareil. On y frappe les vieux, les vieilles et les pédés. On y vient à 40 et c'est là qu'on réveille les instincts les plus bas pour mieux se défouler. C'est aussi toi gamine et ton sourire de club, sous ton blouson de cuir, tes 15 ans délabrés. Ce bateau de plaisir ivre sous tes bottes où les tarés de nuit rêvent de s'éclater. C'est jamais le même endroit mais c'est toujours pareil. On y frappe les vieux, les vieilles et les pédés. On y vient à 40 et c'est là qu'on réveille les instincts les plus bas pour mieux se défouler. Se défouler, se défouler, se défouler, se défouler.